الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue la lecture, la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Le Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait continué l'explication du hadith d'Abu Huraira, le 180e hadith. On s'est arrêté à la parole de l'auteur, rahimahullah, wal ulama ou mutanazi'un. C'est bien là? En page 505. قال المؤلف رحمه الله قال الشارح رحمه الله والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ وقد ذكره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر والسواك جائز بلا نزاع ولكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزوال ولكن لم يقم على تلك الكراهية دليل شرعي يصلح أن يخصص عموم نصوص السواك وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطر أما للحاجة فلا يكره. Donc Cheikh Al-Bassam rahimahullah cite toujours la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui énumère les différentes choses qui annulent le jeûne. Les différentes choses qui annulent le jeûne et notamment les sujets à divergence entre les savants. Il dit, rahimahullah, les savants ont divergé sur la hijama, la saignée. Annule-t-elle le jeûne ou non? Et les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, parmi ces hadiths, aftar al-hajim wal-mahjoum, ont rompu leur jeûne, al-hajim wal-mahjoum. Al-hajim, c'est celui qui fait la saignée, et al-mahjoum, c'est celui à qui on la pratique. Les hadiths dans ce sens sont nombreux et ont été expliqués par les savants du hadith. Et beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont détesté que le jeûneur fasse al-hijama, fasse la saignée. Et la parole qui dit que la saignée annule le jeûne est l'avis de la majeure partie des fuqaha du hadith, des juristes du hadith. Et il dit, rahimahullah, et ceux-là sont les personnes les plus à même et celles qui suivent le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui ne considèrent pas l'annulation du jeûne, ils ont pour preuve ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait la hijama alors qu'il était en état de jeûne et en état de sacralisation. Wa huwa sa'imun muhrim. Et l'imam Ahmad et d'autres savants ont critiqué cet ajout de la version wa huwa sa'im alors qu'il était en état de jeûne. Et ils ont dit ce qui est rapporté de façon authentique et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama lorsqu'il était en état de sacralisation. et l'avis de l'imam Ahmed est que le jeûne est annulé quel que soit le procédé qui est fait pour sortir le sang. Lorsque le sang sort, par quelque procédé que ce soit, que cela annule le jeûne. Puis il dit, rahimahullah, le siwak, l'utilisation du siwak, est autorisée sans divergence. لكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزوال. Mais les savants ont divergé sur son caractère في كراهيته, son caractère détestable après le zénith, بعد الزوال, après que le soleil ait dépassé son zénith. Mais il n'y a aucune preuve qui viendrait soutenir cet avis et qui viendrait restreindre les hadiths rapportés dans le Siwak. Car ce sont des hadiths qui sont généraux et qui concernent le musulman, qu'il soit en état de jeûne ou qu'il ne soit pas en état de jeûne. Le professeur Hassan m'a dit, en parlant du siwak, mataharatun lil fam mardatun lil rab, que c'est une satisfaction pour le Seigneur et une purification pour la bouche. Ce hadith est-il général ou précis? Est-ce qu'il parle du musulman dans une situation particulière ou est-ce qu'il parle du musulman dans une situation générale? Général. Donc pour restreindre cette situation générale, il faut une preuve qui vient dire, voilà, ce hadith du professeur Sam, il est général, mais il a été spécifié ou précisé par un autre hadith. Or, il n'y a pas de hadith qui vient spécifier que l'utilisation du siwak se fait uniquement, ne se fait pas, par exemple, en état de jeûne. Puis il dit, rahimahullah, wa dhawqu at-ta'am yukrahu li ghayri al-haja, qu'il est détestable de goûter la nourriture sans besoin. Mais celui qui goûte, cela n'annule pas son jeûne. Quant à celui ou celle qui a besoin de goûter, cela n'est pas détestable. Comme la femme ou l'homme, en l'occurrence, qui prépare un repas et qui a besoin de savoir si il y a du sel, si le goût, est-ce qu'il faut rajouter d'autres épices ou pas, eh bien, il est autorisé de goûter le repas que l'on prépare en état de jeûne. Et cela n'annule pas, bien sûr, et cela n'est pas détestable. Est-ce que c'est clair? Namar. Goûter, c'est-à-dire goûter, tu prends de la sauce et tu goûtes, non, sur la langue, tu goûtes, tu constates si le goût est habituel, s'il manque du sel ou non, etc. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الصوم في السفر جاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلما كان السفر غالبا فيه مشقة وصعوبة وأنه قطعة من العذاب خفف فيه ومن تلك التخفيفات الرخصة في الفطر في نهار رمضان وهي رخصة مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهي رخصة تعوم الذي يناله بالسفر مشقة وغيره ممن تكون أسفارهم راحة ومتعة لأن الحكم للغالب وبمثل هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملائمة للأوقات والظروف ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Donc le chapitre du jeûne pendant le voyage. Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit, cette législation est venue avec des jugements nobles et simples. Ceci pour confirmer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Et la parole d'Allah azawajal, dans Sourate al-Baqarah, le verset 185, Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et parce que le voyage, de façon générale, comporte des difficultés et des choses difficiles, et que c'est également une partie de châtiment, qit'atu min al-'adhab, comme cela est rapporté dans le hadith authentique. Pour tout cela, eh bien, des allègements ont été accordés à celui qui est en voyage. Parmi ces allègements, l'autorisation de manger pendant la journée du Ramadan. Et c'est une dérogation recommandée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne fait pas partie de la piété de jeûner en voyage. Il ne fait pas partie de la piété le jeûne en voyage. Et c'est une dérogation qui englobe le voyage difficile, mais également le voyage facile et plaisant, car le jugement est général. Et à travers ces jugements simples et aisés, l'on se rend compte à quel point cette législation bonne, celle qui comporte des allègements, que cette législation afouane comporte des allègements, de la miséricorde, et fait preuve d'adaptation en fonction des moments et des situations. Et s'adapte en fonction de la capacité des gens également. Puis il dit, rahimahullah, nous agréons Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. ثم قال المؤلف الحديث الحادي والثمانون بعد المئة. Puis l'auteur cite le 181e حديث. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que Hamza ibn Amr al-Aslami radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: dois-je jeûner en voyage? Et il jeûnait beaucoup radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu veux, jeûne, et si tu veux, ne jeûne pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali. علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الرحيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم وإشفاقا عليهم فكان حمزة الأسلمي عنده جلد وقوة على الصيام وكان محبا للخير كثير الصيام رضي الله عنه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصوم في السفر فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Donc le sens général du hadith, les compagnons radiyallahu anhum ont pris connaissance de cette législation pleine de miséricorde, et notamment qu'il a été autorisé de ne pas jeûner en état de jeûne, et ceci de par miséricorde et pitié envers les voyageurs. Hamza al-Aslami, radiallahu anhu, qui était doté d'une grande patience et d'une grande force concernant le jeûne. Il aimait le bien et jeûnait beaucoup, radiallahu anhu. Il a questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam: doit-il jeûner en état de jeûne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a laissé le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Il lui a dit: si tu veux, jeûne, si tu veux, ne jeûne pas. En voyage. Non? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix de jeûner. Le choix de jeûner ou de rompre son jeûne. Naam. Il a donné le choix de jeûner ou de rompre son jeûne. ثم قال ما يؤخذ من الحديث الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظنة المشقة. Premièrement, on retient de ce hadith l'autorisation de manger pendant le voyage, de ne pas jeûner pendant le voyage, car c'est un moment de difficulté. ثانيا التخيير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام والمراد بذلك صوم رمضان ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر وأكريه وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي فقال أي ذلك شئت يا حمزة. Puis il dit, rahimahullah, on retient également le choix pour le voyageur entre le jeûne ou ne pas jeûner. Pour celui qui a la possibilité de jeûner. لمن عنده قوة على الصيام. Car celui qui n'a pas la possibilité de jeûner, son cas est clair. Il ne jeûne pas. Et ce qui est voulu par le jeûne, c'est le jeûne du mois du Ramadan. Et cela est expliqué par la version de l'imam Abu Daoud et de l'Hakim que Hamza ibn Amr a dit « Ô envoyé d'Allah, inni sahibu dhahrin u'alijuhu ». Qu'est-ce que ça veut dire « sahibu dhahrin u'alijuhu » ?« Dhahr » c'est quoi? Dhar, c'est quoi? Le dos. Ou alijuhu. Non? Je le soigne. Donc si on traduit littéralement, inni sahibu dhahrin ou alijuhu. Ou envoyé d'Allah, je suis quelqu'un qui a un dos que je soigne. C'est ça? Si on traduit littéralement, est-ce que c'est ça? Inni sahibu. Sahibu, c'est celui qui possède. Sahibu dhar. Le maître de la maison. Sahibu dhahrin u'alijuhu. Alaja yu'alijuhu. Parmi les sens, il y a soigner. Et pour cela que l'explication des hadiths, ce n'est pas donné à tout le monde. Et qu'il faut un minimum de connaissances dans la langue arabe pour comprendre les hadiths du prophète sallam et aussi avoir une minutie et retourner systématiquement aux explications des savants du hadith. Car un traducteur peut, en toute facilité, dire « Oh, envoyé d'Allah, je suis quelqu'un qui a le dos malade. » Et en plus, quand on lit le contexte du hadith par la suite, et cela peut m'arriver pendant le mois du Ramadan. Est-ce que je peux jeûner ou non? Donc, en plus de la mauvaise compréhension, cela coïncide avec le contexte du hadith. Ici, inni sahibu dhahrin u'alijuhu. Sahibu dhahrin, ici, dhahr, c'est une monture. Car l'on monte sur le dos de la monture. U'alijuhu asta'miluhu. Ou envoyé d'Allah, je possède une monture que j'utilise, qu'il utilise pour voyager. Ou alijuhu, ici c'est astamiluhu. Donc, ou envoyé d'Allah, je possède une monture que j'utilise. Ou safir, et je voyage. Ou rubbama sadafani hada shahr, et il est possible que je voyage pendant ce mois, c'est-à-dire le mois du Ramadan. Et que j'ai la force de pouvoir jeûner. Et que pour moi, il est plus facile de jeûner plutôt que de le retarder, car ce serait pour moi une dette. Car celui qui ne jeûne pas en voyage, il doit faire « iddatun min Min ayam in ukhar, il doit rattraper le jeûne à un jour ultérieur. Donc cela est comme une dette qui pèse sur son épaule. Non. C'est-à-dire il peut le louer. Usafir wa ukri. Il peut le louer à d'autres personnes. Ayu dhalika shi'ta ya Hamza. Et le professeur Hassem lui a dit la solution que tu veux au Hamza. Et ce hadith, ala kulli hal, Cheikh l'Albani da'afahu. Cheikh l'Albani l'a considéré faible dans Da'if Abi Daoud. Min bab al-aman al-ilmiya, juste pour que vous le sachiez, que ce hadith a été jugé faible par Cheikh l'Albani, mais il est totalement possible que ce hadith ne soit pas considéré faible chez Cheikh al-Bassam et de ce fait qu'il l'ait utilisé comme preuve. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني والثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم رواه البخاري ومسلم. Le 182e hadith. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, il dit: nous voyagions en compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم et celui d'entre nous qui jeûnait ne faisait pas de reproche à celui qui ne jeûnait pas. Et celui qui ne jeûnait pas ne faisait pas de reproche à celui qui jeûnait. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي كان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفطر بعضهم ويصوم بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك لأن الصيام هو الأصل والفطر رخصة والرخصة ليس في تركها إنكار ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر. Le sens général du hadith. Le prophète, les compagnons radiyallahu anhum voyageaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi eux jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas. Certains parmi eux ne jeûnaient pas, d'autres jeûnaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقرهم على ذلك يقرهم comment on pourrait traduire accepter cela. Le professeur Sam approuvait cela. Le professeur Sam approuvait cela parce que le jeûne est la base et le fait de ne pas jeûner est une dérogation et de délaisser une dérogation n'est pas un mal. De délaisser une dérogation n'est pas un mal. Je t'autorise de faire telle chose. Tu es dans une situation difficile, je te dis, si c'est trop dur pour toi, tu peux, par exemple, alléger ta charge. Donc là, c'est une dérogation qui t'est donnée. Si tu n'allèges pas ta charge, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. C'est pour cela que ni les uns ni les autres ne se faisaient de reproches. Car le jeûne, c'est à la base le jeûne, et la dérogation, le fait de la délaisser n'est pas quelque chose de réprimandable ou de condamnable. Ma yukhadu min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, jawaz ul-fitr fi safar, l'autorisation de ne pas jeûner pendant le voyage. Saniyan, iqraru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu ala as-siyam wal-fitr fi as-safar, mimma yadullu ala ibahati al-amrayn. L'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons qui ont jeûné et ceux qui n'ont pas jeûné pendant le voyage, ce qui prouve l'autorisation de ces deux choses. Ce qui prouve l'autorisation de ces deux choses. Et on pourrait rajouter, comme chose que l'on retient de ce hadith, l'autorisation de jeûner pendant le voyage. Car ici, Cheikh Al-Bassam a dit l'autorisation de ne pas jeûner, mais on peut aussi en déduire l'autorisation de de jeûner. Et on peut aussi en déduire que les salafs, à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, et ici en l'occurrence c'est les compagnons, considéraient l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une preuve. Comme une preuve. Car lorsque l'on parle de iqrar, d'approbation, une approbation peut être silencieuse. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé avec ses compagnons, ni il n'a approuvé, ni il n'a condamné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire. Et on l'a vu plusieurs fois que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire fait partie de sa sunna. Lorsque un fait a lieu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien, prouve que cette chose est légiférée. La sunna, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit ou a laissé faire. Ou a laissé faire. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse faire ne veut pas dire forcément que c'est une chose recommandée. Il y a une différence entre une chose licite et permise et une chose recommandée. Parmi les preuves, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui récitait surat al-ikhlas dans chacune de ses raka'at, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'il aimait bien cette sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé cela en souriant. Est-ce qu'on déduit de cela qu'il est préférable de lire sourate al-ikhlas dans chaque raka'at? Oui ou non? Non. Mais que cela est autorisé pour celui qui aime cette sourate. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cet acte. Donc, l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne signifie pas tout le temps, elle peut signifier cela dans des cas précis, mais elle ne signifie pas tout le temps que cet acte est recommandé. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والثمانون بعد المئة. Le 183e hadith. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رواه البخاري ومسلم. Donc le 183e hadith qui est le hadith d'Abu Darda رضي الله عنه qui dit nous sommes sortis en compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم pendant le mois du Ramadan dans une chaleur intense. Au point que nous mettions nos mains au-dessus de nos têtes de par la dureté de la chaleur. Et il n'y avait entre nous de jeûneurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali. Kharaja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ashabihi fi Ramadan. Fi ayyamin shadidatil har. فمن شدة الحر لم يصم منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه فهما تحمل الشدة وصاما مما يدل على جواز الصيام في السفر وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons pendant le mois du Ramadan, dans des jours extrêmement chauds. Et la chaleur était tellement intense que n'a jeûné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que n'ont jeûné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha al-Ansari radiyallahu anhu. Tous deux ont supporté la chaleur et ont jeûné. Ce qui prouve l'autorisation de jeûner en voyage, même si cela comporte de la difficulté, à condition que cela n'amène pas à la perdition, à ce que la personne fasse du tort à soi-même en s'évanouissant ou en mourant notamment. Il est tahlouka. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما dit الله سبحانه وتعالى. Donc ici التهلكة c'est la perte, condition que la personne ne n'amène pas à sa perte. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah ta'ala, car l'autre hadith de Jabir est long, donc ça risquerait de prendre assez de temps. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc pour la semaine prochaine, vous avez trois hadiths à apprendre. وبارك الله فيكم.